tant de rêves imaginaires qui deviennent réalité. Y a pas de questions à te poser, il te faut vivre ce que tu es. Il faut te dire pour être aimé, il faut t'aimer pour exister. Alors qu'importe que tu sois né, pour être roi ou bien paumé. Départ, essaie de blanchir ta mémoire. Y'a des sourires comme des voyages qui te ramènent vers la vie. Et puis des yeux comme des mirages dans l'océan de l'harmonie.